accepta sans peine, sans triste sacrifice. Vous étiez à vous seul tous les chants et les pleurs. Vous étiez un être qui eut mal dans son cœur. Il est temps aujourd'hui d'écouter les clameurs. Il est temps désormais que finisse la torpeur. Peut-être un peu abasourdi.